Et ton sol dans les bulles, j'en peux plus. Trop non plus. On fait toute une belle ville. Prends ce qui t'arrive, on n'est pas sur le même bateau. Il faut bien qu'on navigue, mais y'a plusieurs habits, chacun sa part de gâteau. Il fallait qu'on se dise tout. Mais t'as pas parlé, t'allais te cacher dans ton trou. T'as tout gâché, fâché sur ton parcours. T'as pas changé, allez, trace ta route. J'étais là pour toi pourtant, mais le temps n'a rien dû faire. J'ai donné un 100%, mais obligé de rester fier. J'ai mal à la vie, j'ai mal à la vie, j'ai mal à la vie. J'ai mal à la vie, j'ai mal à la vie, j'ai mal à la vie. On se comprend plus, on se prend la tête, on se folle dans les plus. J'en peux plus, toi non plus. On se comprend plus, on se prend la tête, on se folle dans les plus. J'en peux plus, toi non plus. T'as menti, et tu prends toutes tes manières. T'as été trop gentil, elle t'a laissé en galère. T'as la coupe du monde de la pff. Attends un peu tes jeunes, tu l'auras plus. Si t'as plus envie, c'est facile, quitte-le. Au lieu de le tromper en boîte et faire des esquives. T'aimes trop le goût du risque, ma belle. C'est pas fini, à la revanche, la belle. Tout le monde le sait, mais personne dit rien. Chacun s'occupe de sa vie comme un bon derrière. Et toi, tu doutes même pas, tranquille devant FIFA. Elle rentre avec le sourire, se bouge avec toi. Y'a des millions de femmes. Minimum. Alors surtout ça sert à rien de se prendre la tête. Y'a juste à choisir la bonne. On se comprend plus, on se prend la tête. On folle dans les plus, j'en peux plus. Toi non plus. On se comprend plus, on se prend la tête. On folle dans les plus, j'en peux plus. Toi non plus. Y'a des millions de femmes. Minimum. Alors surtout ça sert à rien de se prendre la tête. Y'a juste à choisir la bonne.